adorable Gaëtan Koutia. Papa Paul Mvuba, le vieux Lucien Ebata Orion Oil, Boss Okito Panda Chala Lukapa, le vieux Sylvain Goma Butler, Jean-Serge Sita. Nabongi fina konalo pango ya bolimo, na zovanda na tie ba fenêtre na ba porte, peinture na ba carreau, be vitre na ba lustre. Zoka na zofutela na yeba kate, kena motema moto kuma moto bagra kate. Eric Mandala, Willy Mandala, motema e ponaki yo lelo, lobie koki oboya yo, elinga mosusu yeba na motema moto kuma moto bagra kate. Docteur Toko Alphonse à l'infinini. Yeba na moto kina yonde okoli alipa. Mais pendant la souffrance de ton cœur, je serai toujours là pour toi. Babotanga pona yo. Viki Poutou. Zamba salanga pona yo. Gaitan. Nazonyo komwe bulimo nezonyo kolombaye. Souci a bulimo eliki a moto baye bisike. Akokota paradis jamais. Ata zameli ndenge nye, ata boneli ndenge nini. Soso bangaka moto te, po batela ya yeba pusan. Mawesele singa yesoni ya kola kisana bato, kena fuka melaka yo. Ata persekisye leki, mote asola kontinya ka kote ye. Polifuteza yanzambe, polifuteza yanzambe. Godwill le pétrolier à 10 mètres supérieur, Mami Massimo. Mavoto Gwemani, Papa Moïse Alafou, Richard Kabala et Yves Ngoy, le club. Lilo na komine plus de 1000% mawa. Yo bandala na yese ngota o jufe na koseka. Yo komi singa na ita ya nyama pukwa. Nyama seka kate kasi ya manifesta kese ngo. Yo kangata mwama wako dia. Ata le shek na kespa sana kana kwa ya biletan. Lile mirbo sama wako lela na naibo imwa shere yo. Na ito bomi na ye. Ako dio bomi na ye. Gaitan bomi na ye. Bruno Matadi ya nenet Samuzu. Libele ya mama ekipaka kitoko to mabe ya mwana teo. Na lingyo songe la gosoli sanga tayampama. Sobuka manezala ta entere ya makasa tero. Na wako kwe ya na se direksyo na ye na fulu. Mangeke na monoko. Moto akipa kasa entere na ye. Yeme ye. Nenge papa fundo la zemi na libu wa mama. Choque à l'offre, tout c'est la montée, maman. Bonne la maman, bonne la, bonne la papa, bonne la, bonne la yaya, bonne la, bonne la chérie, bonne la, bonne la bébé, bonne la, bonne la boutou, bonne la Gaitan Koutia. Emma son angol. Libele, ya maman, équipa gakitoko. Mabea mwana teo na lingyo zonge la gosoli sanga taya mama. Kobuka mangeza la ka entere ya makasa teo. Tamwe kokwe ya na se direksyo na ye na fulu. Mangeke na manoko. moto qui paka ventere na ye. Président des démoniateurs. Dengue papa fondo la semi belli moi maman. Ma choque l'homme tout le monde manana. Bonne la maman, bonne la, bonne la papa, bonne la, bonne la yaya, bonne la, bonne la chérie, bonne la, bonne la belle, bonne la, bonne la, bonne la boutou, bonne la gaïka koudia. Charlemagne, Kouloutou Bob Bofesso, Jean-Marie Béana Lyon, Gauss Kébé, Fatou la Blanche, Lisette Djafari. Ya Ibrahim Chako, Tobanga Liwa pour tuer des cigarettes au Kendete. Ya Richard Okissi, PDG Tolin Mongo. Ma Pengele Djuya Mouzé. Serge Palmi, Papa na Palmi Junior. Angaï Tombo Mingaye. Angaï Tombo Mingaye. Manolou Baki aime Chouchoul. Atila Bondo Tokoyama Leni Bidem Sabumi Naye Public Com Kaitan Kodia Bumi Naye Bafana Bumi Naye Mama Kaitan Kodia Bumi Naye Oreste Colby Edomo Pata Sabumi Naye Bernard Ebi Vincent Gomez Sabumi Naye Ya André Kimbuta Mbale Mama Yvette Bumi Naye Kaita kodia bomilifa.